cherchais. L'as-tu déjà aperçu là-haut? Oui, qui volait. Il sauve des vies, mais ne s'occupe pas de lui. Il aime les regards, les autres ne sont pas bavards. As-tu connu le héros qui se cachait? As-tu déjà passé là-haut? Oui, qui volait. Il déteste les cris. Il te sauve toi et tes amis. Il mange presque rien. Parti loin. As-tu connu le héros qui se cachait? L'as-tu déjà aperçu là-haut? Oui, il volait. Le vent le pousse, ne crois pas qu'il supporte les secousses. Le vent l'ignore. Malgré tout, il n'a aucun remords. Il n'y a pas de tenant de nom. Il fait ça parce qu'il n'est pas méchant. L'as-tu vu réellement se battre, avoir mal vraiment, étouffé par terre mourant? Ne plus souffler ni respirer, mourir petit à petit, ne plus entendre de cris. L'as-tu vu vraiment? Non, il n'est pas méchant. Non, il n'est pas méchant.